Lau komertzio bizitzatu ditu ostegun atxaldean hauen artean Galerie Lafayette talde handia. On a eu quand même une perte significative de chiffre d'affaires. Hauek diru laguntza eskatuko duten ez du erantzun nahi izan zuzendariak. Urrunago, royalty ostatua ojere. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Biarritz et le Pays Basque. Pascal Ondartz, jabeak kritika gutxi. Eskual herria enako, ene iuriko, iziarriko eta memento ona izan da hori zen eta mundu guzian ikusi bitute Eskual herria. Hani jende, arras kontent izan dira, publizitate ona izan mita. Gutio irazio behar ba, mena gioko enako jode da jola pastuik. Ez du behar ba, usaien bezen bat eta apairuin, mena aste honetan behar ba gehio izan da. Baino jantzi, saltzaile hori idekia egonda auzapezak eskatu bezala. On est resté ouvert, effet zéro, on a fait zéro chiffre d'affaires, personne. On est resté ouvert parce qu'on s'est dit, bon, peut-être que, on sait jamais, on a perdu sur le mois d'août un peu de l'ordre de 50% de notre chiffre d'affaires. On a beaucoup cru quand le maire nous a dit, il faut rester ouvert, il faut montrer que Biarritz est dynamique, que tout va aller très bien. On y a cru. Biarritz est bidarte urruña, Baiona Angelu eta Hendaiako auzapezekin bildu da estatu idazkaria. Lehen, diru laguntza bat aipatu du, 350.000 eurokoa. C'est une réunion de travail, c'est pour ça que je suis ici. Nous avons dégagé une enveloppe de 350 000 euros qui correspond peu ou prou au niveau d'argent qu'on a été amené à donner par exemple aux commerçants de Notre-Dame au moment où on a dû bloquer les accès de Notre-Dame et où ils ne pouvaient plus travailler. Miarritzetik kanpo, gezazpiaren segurtasun neurriak jasan behar izan dituzten entzat aldiz, itxoin beharko dauraino. Il faut qu'on ait un état de la situation pour savoir exactement quels ont été les endroits qui ont été impactés. Je suis là pour écouter, je suis là pour entendre chacun exprimer sa situation. Dosierak muntatzen hasten alko dira laisterko mertxanteak, lehen diru laguntza kasaroaren lehenerako espero dira.